pour les White Sessions ce soir, les Shining Mosquitoes, Walk Alone. Bravo. Musique capitaliste, je suis un artiste incompris par moi. Je suis un artiste incompris. Nul ne parvient à voir vraiment jusqu'à quelle hauteur s'élève mon génie à comprendre la portée de mes œuvres super top cool. Hier encore, une galerie a refusé mes assemblages de troncs humains et dieux de bœufs. Comment donc mettre dans le crâne de ces sous-larvaires larbins que je suis le plus extra chouette, méga géant délire de tous les artistes incompris? Merci.